Je vous montre des objets, c'est à vous de me montrer où ils sont placés. 네, 계란 라 웬보 카시에 뚱키. 계란 긴가라 웬보 된소 가발샤도 뚱로낭. 네, 계란 라 웬보 카시에 뚱키. 계란 긴가라 웬보 된소 가발샤도 뚱로낭. Montrez-moi où est l'enveloppe. 나라 이곳 뚱탕. 나라 이곳 뚱탕. Montrez-moi où est la clé. 나라 디미 뚱탕. 나라 디미 뚱탕. Montrez-moi où est le rasoir. 나라 아라툽치 뚱탕. 나라 아라툽치 뚱탕. Montrez-moi où est le verre. 나라 가유 뚱탕. 나라 가유 뚱탕. Montrez-moi où est le crayon. 나라 뉴구 뚱탕. 나라 뉴구 뚱탕. Montrez-moi où est le téléphone. 나라 카발 뚱탕. 나라 카발 뚱탕. Montrez-moi où est la montre. 나라 추즈 뚱탕. 나라 추즈 뚱탕. Montrez-moi où sont les ciseaux. 나라 침새 뚱탕. 나라 침새 뚱탕. Montrez-moi où est le peigne. 나라 육시에 뚱탕. 나라 육시에 뚱탕. Montrez-moi où sont les lunettes. 나라 믹시 뚱탕. 나라 믹시 뚱탕.